le temps des queues de cerises, puis nous épouvanter de crise en crise pour quelques dollars de plus. Pour quelques dollars de plus, peut-on serrer nos ceintures toujours un peu plus fort, nous mener la vie dure, puis régler notre sort pour quelques dollars de plus. Pour quelques dollars de plus. Pour quelques dollars. On finira par vendre mon âme. Peut-on tout nous vendre à n'importe quel prix avant de nous descendre de crédit en crédit pour quelques dollars de plus? Pour quelques dollars de plus. Peut-on nous faire croire qu'il n'y a plus rien à faire, que derrière chaque regard se cache un adversaire pour quelques dollars de plus? Finira par vendre mon âme. Peut-on tout laisser faire et tendre l'autre joue? On dit qu'on est tous frères, mais certains deviennent fous pour quelques dollars en plus. À faire, le monde est plein d'appétit. Dans chaque coin de la terre se cache un paradis où tout n'est pas perdu. Où tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. On n'a pas encore vendu mon âme. Tout n'est pas perdu. On n'a pas encore vendu mon âme. Tout n'est pas perdu. On n'a pas encore vendu mon âme.